1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai toutes les langues des hommes, et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme les reins qui résonnent, ou comme la cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères, et que j'aurai toutes sortes de sciences, et quand j'aurai toute la foi qu'on puisse avoir, en sorte que je transporte les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tout mon bien pour la nourriture des pauvres, et que je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est douce, la charité n'est point envieuse, la charité n'use point d'insolence, elle ne s'enorgueillit point, elle ne se porte point déshonnêtement, elle ne cherche point son propre profit, elle ne s'aigrit point, elle ne pense point à mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle endure tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, au lieu que quant aux prophéties, elles seront abolies, et quant aux langues, elles cesseront, et quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais quand je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfance. Car nous voyons maintenant par un miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face, maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai selon que j'ai été aussi connu. Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, et la charité, mais la plus excellente de ces vertus, c'est la charité.